Emmanuel Bove, Le crime d'une nuit, lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Chapitre 1. C'était la veille de Noël. Assis sur une banquette usée d'un restaurant, Henri Duchemin attendait que la pluie cessât. Les longs cheveux qui chatouillaient ses oreilles, ainsi que les poches trouées de son pantalon, lui rappelaient à tout moment sa pauvreté. Las d'être immobile, il s'apprêtait à sortir, lorsqu'il se souvint du couloir obscur de sa maison, de la cour humide, des marches étroites de l'escalier, et de sa chambre sans feu sous les toits. À tout cela, il préféra la tiédeur du restaurant. Quelques habitués lisaient les journaux du soir. Un courant d'air balançait la chaînette du manchon à gaz. La bonne, accoudée sur le buffet, souhaitait de partir. Soudain, les clients levèrent la tête. Un mendiant venait d'entrer. « C'est un bossu, dit l'un d'eux. » Le vent de la rue faillit éteindre la flamme du bec. Des ombres tombèrent du plafond le long des murs. « Poussez donc la porte !» Le mendiant obéit, et le chapeau à la main, il s'avança en guignant à droite et à gauche. « Que voulez-vous ? » « Demandez la charité. » Ce mendiant était un peu comme l'acteur qui apparaît enfin sur une scène vide. La bonne, qui était partagée entre le plaisir d'être distraite et celui de chasser ce pauvre, ne resta qu'un instant indécise. « Allons, sortez, on ne m'en dit pas ici !» Les clients profitèrent de cet incident pour faire connaissance. Bien qu'ils ne fussent pas tous de l'avis de la bonne, ils sentirent confusément qu'ils tomberaient d'accord en l'approuvant. Une sorte de parenté étant dans l'air, ils dissertèrent longtemps sur la mendicité, sur la prostitution, sur les problèmes sociaux, comme ils disaient avec sécheresse. Quatre coups sonnèrent à une horloge qui pourtant marquait 9 heures. Henri Duchemin devinait que ces inconnus avaient des mauvaises pensées. Il s'assura que le coton qui bouchait ses oreilles n'était pas tombé, et tout en secouant son pardessus, il gagna la porte qui laissa, une seconde, la lumière du restaurant traverser la rue noire. La pluie coulait sur la fonte peinturée des réverbères. Les trottoirs, couverts de reflets, avaient l'air de se mouvoir. Les lanternes des voitures et des taxis éclairaient à peine. Il entra dans un café. Le store, battu par le vent, jetait des paquets d'eau. La buée qui flottait partout ternissait les verres, le comptoir, les ampoules électriques. Des clients avaient dessiné sur la buée des glaces. Henri Duchemin commanda un café bien chaud qu'il but vite avant même que le sucre fût fondu. Une femme, dont la fourrure était encore mouillée, buvait un lait que le rouge des lèvres devait sucrer. Ses yeux, lourds de phare, restaient continuellement ouverts comme ceux d'une poupée. « Quel triste réveillon, dit-elle. » Henri Duchemin savait bien que certaines femmes parlent aux hommes pour leur demander de l'argent. Mais il aimait mieux ne pas y penser et conserver intact l'espoir d'un événement nouveau. « Oui, quel triste réveillon !» Il regarda la porte. Il craignait que son voisin, M. Leleu, n'entrât. Celui-ci se serait assis, là, près de lui, et sans aucun doute l'aurait supplanté. « Vous devez vous ennuyer, monsieur. » « Oh, oui, ne vous vexez pas, quand vous saurez ce que je souffre. Je désirerais tant m'épancher. À vos yeux, je suis un étranger. Patientez, je vous raconterai ma vie. Elle est bien triste. » Il était si content de parler qu'il semblait rajeuni. La certitude de plaire le rendait confiant. Il allait continuer lorsque sa voisine éclata de rire. « Ne soyez pas ridicule. Si vous êtes malheureux, vous n'avez qu'à vous tuer. » Henri Duchemin devint rouge. Pendant une minute, il chercha une réponse. Ne la trouvant pas, il se leva et sortit, le cœur plein d'amertume. La pluie qui cinglait son visage le ranima. Deux rangées de becs de gaz se rejoignaient au bout d'une avenue. Les passants touchaient de la tête la toile de leur parapluie. « Me tuer ? Elle est folle ? Que le monde est méchant » pensait-il. Son pantalon mouillé collait à ses cuisses, ses pieds glissaient dans ses souliers qui prenaient l'eau, même en été quand on arrosait. Il ne voyait rien, pas même les ruisseaux qui s'engouffraient dans les égouts avec le bruit léger d'une petite cascade. Enfin, il reconnut un renfoncement encombré de tuyaux goudronnés où il venait souvent regarder les ouvriers travailler tout en se chauffant à un brasero. Il était arrivé. Il y avait tant de vent qu'il lui sembla, en ouvrant la porte de sa maison, que quelqu'un voulait l'empêcher d'entrer. Henri Duchemin monta lentement l'escalier. Puis, une fois chez lui, ferma doucement la porte de sa chambre afin de ne pas réveiller M. Leleu. La lampe allumée révéla un désordre qui l'étonna, parce qu'il avait oublié que le ménage n'avait pas été fait. Les meubles, doublés de leur ombre, semblaient se toucher. Un souffle glacial glissant sous la fenêtre agitait les rideaux. L'humidité boursouflait le plâtre du plafond. Le papier tenture pendait comme de vieilles affiches. Le lit défait était froid. Quand le vent secouait la porte, la serrure grinçait. « Me tuer ! Allons donc ! Elle est folle ! » Pour chasser le souvenir de cette femme, Henri Duchemin arpenta la pièce en comptant ses pas et se réjouissant d'en trouver le même nombre à l'aller et au retour. Il remarqua alors que son haleine était plus nette quand il tournait le dos à la lampe. Les volets, décrochés par le vent, claquaient si violemment contre le mur qu'il craignait que les voisins ne se plaignissent. Il ouvrit la fenêtre toute grande. La flamme de sa lampe baissa, les rideaux s'élevèrent derrière lui comme des fantômes. Un billet de tramway vola dans la chambre. Il vit de l'autre côté de la rue une fenêtre éclairée et au travers du store une femme dont l'ombre faisait de grands gestes. Penchée au dehors, les cheveux emmêlés par le vent, les mains noircies par la barre d'appui, Henri Duchemin épiait cette femme. Il ne remuait pas, et ses yeux s'étaient agrandis au point que les pupilles, au milieu de trop de blanc, paraissaient plus petites. Mais la lumière s'éteignit. Espérant qu'elle se rallumerait à une autre fenêtre, il attendit. La nuit était noire. Le vent qui s'engouffrait dans ses manches glaçait son corps. La pluie brillait autour d'un réverbère. Il ferma la fenêtre, et planté devant l'unique fauteuil, il discerna partout, dans la profondeur des murs, debout sur son lit, des femmes qui faisaient les beaux bras. Non, il ne se tuerait pas. À 40 ans, un homme est encore jeune, et il peut, s'il est persévérant, devenir riche. Henri Duchemin rêva de solliciteur, de maison à lui, de liberté. Mais quand son imagination se fut calmée, il lui sembla que le désordre de sa chambre s'était accentué, tant il jurait avec ses rêveries. Un miroir dans un cadre de bambou reflétait son visage. Il oublia tout, et parlant tout seul, se regarda pour voir comment il était quand il parlait. La lampe baissait au point de n'éclairer que la table. La flamme tremblotait sur la mèche. Soudain, elle s'éteignit. Jean Duchemin, en cherchant à tâtons des allumettes, renversa des objets qu'il ne reconnut pas. Las de chercher, il s'assit dans le fauteuil et ferma les yeux pour ne pas voir l'obscurité. La chaleur de son corps séchait tout doucement ses habits. Il se sentait mieux. Bientôt, il lui sembla que le plancher se dérobait sous ses pieds et que ses jambes balançaient dans le vide, comme celles d'un enfant sur une chaise. Il dormait depuis longtemps quand il sentit sur sa joue la chaleur d'une lampe, un peu comme la respiration de quelqu'un. Il ouvrit les yeux. Monsieur Leleu était là, près de lui, une lampe à la main. Monsieur Leleu était un homme de 50 ans, paisible, qui vivait pauvrement. Il s'intéressait à la vie des criminels et se rangeait toujours du côté des gendarmes. Il lisait les faits divers, mais jamais de romans policiers, car il éprouvait une sorte de gêne à la lecture d'un récit qui n'avait pas existé. « Tu dors, Duchemin ?»« Non. » Monsieur Leleu posa la lampe sur la cheminée. Celle-là continua à éclairer le plancher. « J'ai à te parler, Henri. » Monsieur Leleu, en caressant sa barbe, en affina la pointe. « Tu te souviens de la femme du café ?»« Oui. »« Il faut faire ce qu'elle t'a dit. »« Me tuer ?»« Oui. »« Vous pensez qu'il le faut ?»« Oui, puisque tu es malheureux. » La pluie, emportée par le vent, revenait à tout moment cribler les carreaux. « Mais je n'oserais pas. »« Pourquoi, Henri ? Je t'apporte une corde, le nœud coulant est fait. Tu vois, tout est prêt. » « Je reviendrai quand tu seras mort, afin qu'on ne me soupçonne pas. » Monsieur Leleu se leva. « Vous reviendrez quand je serai mort ?»« Oui, je réveillerai les locataires. Adieu, je te laisse la lampe, je la reprendrai tout à l'heure. » Monsieur Leleu s'en alla sans bruit. Resté seul, Henri Duchemin frotta ses yeux, regarda la lampe, et constatant qu'il ne rêvait pas, voulut écrire ses dernières pensées. Mais il ne sut quoi dire. Tout à coup, soit que la mort lui fît peur, soit qu'il craignît que M. Leleu ne revînt, il décida de fuir. Il souffla la lampe en se défiant du retour de flamme et sortit.